Le vif de l'histoire, Jean Lebrun. Mardi prochain, Joséphine Baker sera transférée au Panthéon. Elle qui était membre de la France libre, deux résistantes de l'intérieur avaient été panthéonisées avant elle, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioze. Elles ont été panthéonisées ensemble, n'étaient-elles pas amies pour toujours? Depuis que, peu après son arrivée à Ravensbrück, au début de 1944, Geneviève, 22 ans, avait découvert la jeune ethnologue Germaine Tillion. Geneviève voit aussi une admiration profonde à Émilie, la mère de Germaine, déportée comme elle. Émilie, 69 ans, ne pouvait plus dissimuler ses cheveux blancs sous son foulard et le médecin, la désigna pour la chambre à gaz le 2 mars 1945. Geneviève de Gaulle insista toujours sur la continuité entre les camps d'exténuation par le travail et les camps d'extermination. Quand les nazis ne pouvaient plus faire traverser l'Allemagne bombardée aux détenus dont ils voulaient se débarrasser, ils s'installaient tout simplement, comme à Ravensbrück, une chambre à gaz, alors qu'au départ, le camp n'avait apparemment pas été conçu pour ça. Geneviève de Gaulle, c'était la nièce du général. Alors, son nom l'entourait d'une sorte d'aura. En octobre 1944, le chef nazi Himmler avait établi le compte de tous les parents du général qu'il détenait. Il a fait alors parvenir un courrier à celui qui était chef du gouvernement provisoire de la France libérée, et il lui tirait, texto, très bas son chapeau, il aurait pu dire sa casquette, et il proposait au général un retournement d'alliance, entendez-vous avec l'Allemagne nazie contre les soviétiques qui représentent le danger numéro un. En gage de sa bonne volonté, Himmler se disait prêt à échanger les De Gaulle détenus contre des prisonniers allemands. Le général n'était pas du genre à prendre en considération cet appel du pied, mais Geneviève y gagnera néanmoins d'être extraite des baraques communes de Ravensbrück pour être gardée dans un cachot en échappant au travail forcé. Après son retour, elle habitera quelques mois chez l'oncle Charles. L'oncle Charles, ça fait drôle, mais enfin, c'est l'expression qu'elle utilisait. On a dit que la société française éprouva des difficultés à entendre le témoignage des déportés. De Gaulle, en tout cas, lui, écouta longuement celui de sa nièce. C'est peut-être à lui qu'elle pouvait raconter le moins difficilement son expérience qui faisait monter aux lèvres du général ses propres souvenirs des violences de 14. Nous voici à présent en 58, les gaullistes reviennent au pouvoir. Bernard Antonioz, le mari de Geneviève, est un proche collaborateur d'André Malraux, dont elle-même est membre du cabinet. Et un jour de cette année 58, elle accepte l'invitation du père Joseph Wrzesinski qui anime le mouvement ATD Carmande. Et à Noisy, au lieu dit Château de France, qui est en réalité un bidonville, au milieu de la misère, dans la pouillerie de l'endroit, elle retrouve soudain l'odeur du camp. De ce jour, Geneviève de Gaulle n'a cessé d'être l'alliée de Wrzesinski. Le père Joseph, qui venait lui-même d'un milieu misérable, avait du mal à garder son calme face aux gens de pouvoir. Il explosait souvent alors qu'il avait besoin d'eux. Geneviève de Gaulle devint l'ambassadrice du mouvement, puis sa présidente. Et elle reprit le siège KTD détenait alors au Conseil économique et social. Un siège qu'on vient, soit dit en passant, de lui ôter. Il n'y a pas besoin de tant de représentants de la grande pauvreté dans cette enceinte. Et en 97, c'est elle que le Conseil délégua à la tribune de l'Assemblée nationale pour présenter le projet de loi sur la grande pauvreté. En la matière, elle ne contestait pas la nécessité des aides d'urgence, mais à ATD, on posait la question autrement, en termes de démocratie. Peut-on encore parler de démocratie si les invisibles ont basculé de l'autre côté? Geneviève de Gaulle utilisait l'image du train. À quoi bon la destination qu'il affiche si le wagon des plus pauvres, puis d'autres ensuite, mécaniquement, se sont détachés et si le sentiment d'injustice, d'iniquité empêche tout projet collectif? ATD prenait tout son temps à Geneviève Antonioz de Gaulle, mais le souvenir de la déportation revenait. Elle témoigna au procès Barbie, il fallut d'ailleurs l'hospitaliser peu après qu'elle avait quitté la barre. Elle évoqua soudain d'autres souvenirs qu'elle avait eus. Elle avait vu des nouveaux-nés qu'on noyait, seulement parce qu'ils avaient eu le tort de naître de race impure. Elle évoquait une femme qui avait été chargée de ce crime et qui avait calculé combien chaque bébé mettait de temps à disparaître. Et dire, ajoutait cette déportée, qu'on m'avait envoyée au camp parce que j'avais pratiqué des avortements. Françoise, aux cheveux étincelants qu'on l'avait battue comme un homme. Madeleine, élève de Jouvet, diseuse de poèmes, gazée avec sa sœur Anne. Odette, qui chantait avec une voix douce et profonde. Elles ont été innombrables, les femmes qui sont entrées au Panthéon, derrière Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioz. Jean Lebrun, le vif de l'histoire. France Inter.